Les opinions des Ahl Sunna concernant les Sahaba. Une des croyances fondamentales des Ahl Sunna wal Jama'a, qui parfois les distingue des hérétiques, est la croyance en les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et en tout ce qui a été mentionné dans le Coran et la Sunna à propos de leurs vertus, de leurs mérites et de leurs caractéristiques. Les compagnons sont tous ceux qui ont rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui sont morts en musulmans. Les savants ont dit qu'ils étaient 114 000, comme l'a déclaré Abu Zuhra, le professeur de l'imam muslim, et rapporté par Suyuti. Ils sont loués dans de nombreux versets coraniques. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes, vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez en Allah. Sourate 3, verset 110. Les tout premiers croyants parmi les émigrés et les auxiliaires et ceux qui les ont suivis dans un beau comportement, Allah les agrée. Et il l'agrée. Il a préparé pour eux des jardins sur lesquels coulent les ruisseaux, et ils y demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès. Sourate 9, verset 100. Allah a très certainement agréé les croyants quand ils t'ont prêté le serment d'allégeance sous l'arbre. Il a su ce qu'il y avait dans leur cœur, et il a fait descendre sur eux la quiétude. Sourate 48, verset 18. Notre attitude envers les Sahaba devrait être d'amour, de respect, de paix et de pureté dans nos cœurs et nos langues. Allah décrit ceci en disant: il appartient également à ceux qui sont venus après eux en disant: Seigneur, pardonne-nous, ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi, et ne mets dans nos cœurs aucune rancœur pour ceux qui ont cru. Sourate 59, verset 10. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le signe de la foi, c'est l'amour des Ansar, et le signe de l'hypocrisie, c'est la haine des Ansar. Rapporté par Bukhari Muslim. Pourquoi devons-nous être reconnaissants envers ceux qui ont cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'ont aidé, ont lutté avec leur vie et leur bien, pour que le verbe d'Allah et la suprématie soient préservés et pour que notre religion nous soit transmise? Qui mérite plus que nous prions pour eux de meilleure façon et que nous pensions à eux avec les meilleures pensées? Nous devons donc mentionner leurs vertus et taire toute erreur qu'ils auraient faite et tout ce qui a pu se passer entre eux, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a conseillé. Quand on mentionne mes compagnons, taisez-vous. Sahih Tabari. Il a aussi dit: n'insultez pas mes compagnons, car si l'un de vous devait dépenser autant d'or que la montagne de Uhud en charité, il n'atteindrait pas une poignée d'entre eux, ni même la moitié de cela. Rapporté par Bukhari Muslim. Et il a dit: quiconque insulte mes compagnons, la malédiction d'Allah sur lui, ainsi que celle des anges et des gens. Sahih al-Tabari. Les savants musulmans ont aussi été très stricts concernant le fait de parler et de penser avec méfiance des Sahaba. L'imam Malik, rahmahullah, a dit que celui qui ressent en lui un malaise ou de la colère à propos des compagnons est un kafir, un mécréant. Parce qu'Allah, salut et bénédiction d'Allah sur lui, a dit: Allah, par eux, les croyants, remplis de dépit les mécréants. Sourate 48, verset 29. Les ulama disent aussi que si les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam avaient été mécréants, malhonnêtes, ou s'ils avaient trahi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors la religion entière aurait été minée. Parce que comment saurions-nous ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit si les compagnons du prophète alayhi salatu wa sallam n'avaient pas été honnêtes et dignes de confiance? Nous ne pourrions pas être sûrs. Et ceci s'applique aussi au Coran, car nous avons reçu le Coran par l'intermédiaire des Sahaba aussi. En fait, ils étaient dignes de confiance et sincères comme Allah les a décrits. Et il est parmi les croyants des hommes qui ont été sincères dans leur engagement envers Allah. Certains d'entre eux ont atteint leur fin, et d'autres attendent encore. Et ils n'ont varié aucunement dans leur engagement. Sourate 33, verset 23. Hujjal Islam Soufyan ibn Uyayna a dit: celui qui dit un seul mot contre les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est un innovateur. Et Ahmed rahmahullah a dit: si vous voyez quelqu'un parler mal des compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam, doutez de son islam. Al-Dhahabi a dit: quiconque les critique ou les insulte est sorti de cette religion et s'est séparé de la Ummah musulmane. Il a mécru en ce qu'Allah le Très-Haut dit dans son livre les concernant et en ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit concernant leurs nobles qualités et leurs mérites. Il incombe aux musulmans d'aimer Allah, d'aimer son messager, d'aimer ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a apporté comme guidance et pratique, d'aimer ses descendants, ses compagnons, ses femmes, ses enfants, ses serviteurs, et d'aimer ceux qui les aiment, et de détester ceux qui les détestent. Et c'est cela la signification d'aimer pour l'amour d'Allah, et c'est la plus excellente sorte de foi. Dans Al-Kaba'ir, les grands péchés, nous trouvons qu'Al-Dahabi, rahmahullah, a aussi dit: celui qui aime le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, aime et respecte chacun de ses compagnons. Détester l'un d'entre eux, c'est détester le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Al-Fudayl ibn Iyad a dit la même chose quand il a dit: en vérité, j'aime qui Allah aime. Ce sont ceux dont les compagnons de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'ont rien à craindre. Je déteste ceux qu'Allah déteste. Ce sont les gens des groupes déviants et de l'innovation. Ces déclarations des grands imams de la Ummah ne devraient pas nous surprendre, car le moindre doute au sujet des compagnons reviendrait en fait à accuser le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même de cacher la vérité à leur sujet, ce qu'ils savaient, qu'ils étaient des hypocrites, comme le disent les hérétiques, mais qu'il ne nous l'a pas dit. Ou on l'accuse d'être un imbécile, comme Sheikh Ja'far Idris l'a dit un jour, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas été au courant, alors qu'il vivait avec eux tout le temps. Il pensait qu'ils étaient les meilleurs des musulmans alors qu'ils étaient des hypocrites. C'est pourquoi Al-Barbahari a dit: sachez que quiconque essaye d'attaquer les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam cherche vraiment à attaquer Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les meilleurs des compagnons. Nous devons noter que les meilleurs de la Oumma après le prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient Abu Bakr, puis Omar, puis Uthman, puis Ali radiyallahu anhum. En ce qui concerne le califat, Ibn Taymiyyah rahmahullah a dit que quiconque objecte contre l'un d'entre eux à propos de l'ordre du califat, il sera considéré comme plus égaré qu'un âne. Et Abdulaziz al-Qari a dit qu'Abu Hanifa rahmahullah a déclaré: quiconque doute du califat d'Abu Bakr et de Omar, qu'Allah soit satisfait d'eux, est un mécréant. Il a aussi déclaré: quiconque calomnie les mères des croyants, Aïcha, radiyallahu anha, est un mécréant. Et il a déclaré: la prière derrière un rafidi, extrémiste chiite qui maudit et insulte les compagnons, est invalide. Ahl Sunnah accepte aussi toutes les supériorités et les rangs qui ont été décrits à leur sujet dans le Coran, les hadiths et par le consensus. Ils donnent la supériorité à ceux qui ont dépensé et combattu pour l'amour d'Allah avant la victoire, c'est-à-dire la trêve de Hudaybiyah, sur ceux qui ont dépensé et combattu après cela. Ils considèrent Al-Muhajirin, ceux qui ont émigré pour l'islam de la Mecque vers Al-Madina, comme supérieurs aux Ansar, les assistants d'Al-Madina qui ont soutenu les Muhajirin. Ils ont foi en ce qu'Allah a dit à propos des 313 personnes à l'occasion de la bataille de Badr. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, leurs péchés sont pardonnés, rapporté par le Bukhari. Et aucun de ceux qui ont fait serment d'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam sous l'arbre n'entrera au feu, comme l'a déclaré le prophète alayhi wa sallam. Allah est sans aucun doute satisfait d'eux, et ils sont satisfaits d'Allah. Et ils étaient plus de 1400 à propos de qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a témoigné qu'ils seront admis au paradis, rapporté par Muslim. Les Ahl Sunnah se portent aussi témoins de leur admission au paradis, comme les 10 compagnons qui ont reçu la bonne nouvelle du paradis en ce monde par le prophète lui-même sallallahu alayhi wa sallam. Aqidatu al-Wasitiyya de Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Leurs nobles actions. Nous croyons que les Sahaba, qu'Allah soit satisfait de tous, n'étaient pas innocents de péchés petits et grands, mais leurs qualités et leurs actions étaient si pieuses et si supérieures qu'elles provoquaient le pardon des erreurs qu'ils commettaient. Nous croyons que si l'un des Sahaba a commis une faute, soit il s'est repenti, ou soit il a accompli des actions tellement pieuses qu'il a été soit pardonné, ou alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam intercédera pour eux, car il mérite le plus son intercession. Leur djihad, leur hijra, leur savoir, leurs actes et leur soutien au prophète sallallahu alayhi wa sallam causeront leur pardon de leurs quelques erreurs. Quant à leur ijtihad, ils auront une double récompense quand ils ont eu raison, et une récompense quand leur effort pour trouver la vérité aura abouti à une mauvaise conclusion. Et comme l'a dit Shafi'i rahimahullah, je fais allégeance à eux et je recherche le pardon d'Allah pour eux et pour les gens du chameau et de Sifin, ceux qui ont été tués et ceux qui ont été tués, et pour tous les compagnons dans leur totalité. Les actes et les mérites des Sahaba, radiyallahu anhum, c'est ce que tout musulman doit s'efforcer d'imiter au meilleur de ses capacités. Leur comportement et leur sincérité étaient loués par Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam, et cela suffit comme preuve. Comme l'a dit Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, en vérité, Allah a regardé dans les cœurs de ses serviteurs et a trouvé que le cœur de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur des cœurs de ses serviteurs. Alors, il l'a choisi pour lui-même et l'a envoyé comme messager. Puis il a regardé dans les cœurs de ses serviteurs après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il a trouvé que les cœurs des compagnons étaient les meilleurs des cœurs de ses serviteurs. Alors, il en a fait des ministres de son messager sallallahu alayhi wa sallam, combattant pour son dîn. Alors quoi que les musulmans considèrent comme bon, alors c'est bon pour Allah. Et quoi que les musulmans considèrent comme mal, c'est mal pour Allah. Ahmed At-Tayalasi. Les Sahaba étaient sans aucun doute les meilleurs en termes de compréhension des obligations religieuses, de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la façon de pratiquer les enseignements religieux. Leur croyance est un exemple et un exemple pour nous, comme Allah dit dans le Coran. Alors, s'ils croient cela, même à quoi vous croyez, ils seront certainement sur la bonne voie. Et s'ils s'en détournent, ils seront certes dans le schisme. Alors, Allah te suffira contre eux, il est l'audient, l'omniscient. Sourate 2, verset 137. Les meilleurs des gens. Ils sont les meilleurs des gens, auxquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait référence dans le hadith. Les meilleurs de ma communauté sont ma génération, puis ceux qui viennent après eux, puis ceux qui viennent après eux, puis viendront des gens dans lesquels il n'y aura pas de bien. At-Tabarani, authentifié par l'Albani dans Al-Bukhari. Les meilleurs des gens sont ma génération, puis ceux qui viendront après eux, puis ceux qui viendront après eux. Ceci est aussi rapporté par Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, An-Nasa'i et d'autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit « Et ma umma sera divisée en 73 groupes ». Abu Dawud, Tirmidhi, Ibn Majah, Al-Hakim, Ahmed, authentifié par Tirmidhi, Al-Hakim, Ibn Taymiyyah, Suyuti, Al-Nawawi, Al-Shaytibi, Al-Dhahabi et Al-Albani. Dans un autre hadith, Hassan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les tribus d'Israël se sont divisées en 72 groupes, ma umma se divisera en 73 groupes, tous entreront au feu sauf un. » Ce sur quoi je suis ainsi que mes compagnons, At-Tirmidhi. Suivre leurs pas. Tout ceci devrait suffire comme preuve que la compréhension correcte de l'islam est celle des trois premières générations et de ceux qui ont suivi leurs pas dans la vérité. Il n'y a pas de désaccord parmi les savants musulmans sur le fait que les meilleures générations de l'islam doivent être suivies, que l'interprétation du Coran et de la Sunna, sur laquelle ils se sont mis d'accord, est considérée comme la bonne et que nous devons approcher le din de la manière dont il l'approchait. Nous sommes obligés de les suivre, ce qui signifie d'abord et d'avoir la même croyance qu'eux, sans déviation, sans addition ni suppression. Nous devons aussi approcher l'ibada, les adorations, de la même façon, sans innovation, sans addition ni suppression. Nous prenons toutes les sunnas et portons tous les désaccords à Allah et son messager, comme Allah nous l'a ordonné dans le Coran. La sourate 4, verset 59. Suivre les Sahaba ne signifie pas seulement avoir la même compréhension des prescriptions de la foi qu'eux. Cette croyance doit se manifester dans nos actes. Et suivre les Sahaba signifie aussi posséder leurs autres caractéristiques, dont certains ont été identifiés par nos savants, comme l'acceptation totale de la révélation, l'influence profonde de la foi, de la révélation dans la vie, l'application de la connaissance dans la vie individuelle et collective, inviter les autres aux bonnes actions, encourager au bien et désapprouver le mal, conseiller les musulmans, pratiquer le djihad au nom d'Allah. Également, les sahaba présentaient chaque action en fonction de la sharia. Ils se rappelaient et pensaient beaucoup à la mort et pardonnaient à ceux qui les offensaient en quelque façon. Ils avaient un grand respect de l'honneur des autres musulmans pour laquelle ils ne désiraient que le bien. Ils étaient soucieux de leur prière. Ils mettaient l'au-delà avant cette dunya. Ils étaient conscients qu'ils ne pouvaient pas remercier Allah suffisamment et ils se tenaient éloignés des pécheurs et de leur rassemblement. Allah l'exalté les a décrits de façon plus appropriée. Mohammed est le messager d'Allah et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants, miséricordieux entre eux. Tu les vois inclinés, prosternés, recherchant d'Allah grâce et agrément. Leurs visages sont marqués par la trace laissée par la prosternation. Sourate 48, verset 29. Nous demandons à Allah de nous permettre d'apprendre la vie des compagnons et de faire que nos vies ressemblent aux leurs. Car, comme l'a dit Ibn Taymiyyah, quiconque lira leur biographie avec compréhension et perspicacité connaîtra la récompense qu'Allah leur accordera. Il réalisera certainement qu'ils sont les meilleurs des humains après les prophètes et il n'y a jamais eu personne comme eux et il n'y en aura jamais.